Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Juridique Playlist, le podcast des questions éthiques et juridiques sur la diffusion des données de la recherche dans le monde académique. Réalisés auprès d'expertes et d'experts issus de diverses disciplines, ces podcasts sous forme d'entretiens mettent en lumière des questionnements éthiques et juridiques en relation avec la dissémination des données. Toutes et tous partagent leurs analyses et observations de situations vécues dans le cadre de leurs travaux scientifiques ou de leur expérience professionnelle. Bonne écoute! Dans ce troisième épisode que nous avons intitulé « Publier avec des images et des sons », Françoise Acquier, chargée de ressources documentaires au CNRS, rend compte de ses travaux au sein du laboratoire Ambiance, Architecture, Urbanité et de son équipe grenobloise, le CRESSON, Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. Titulaire d'un master en géographie et urbanisme, Françoise Acquier a d'abord été professeure documentaliste en collège et lycée pendant 4 ans, avant de réussir le concours d'ingénieur d'études au CNRS au sein du CRESSON en 2021. Dans cette équipe se croisent de nombreuses disciplines de l'espace, avec notamment la sociologie urbaine ou l'ethnographie, qui approchent de façon sensible les espaces habités. Depuis toujours, le centre de documentation fonctionne en étroite collaboration avec différents métiers de l'information, et en particulier, elle travaille avec Laurence Bizien, documentaliste de l'équipe nantaise du laboratoire Ambiance Architecture Urbanité. Au CRESSON, Françoise Acquier gère un fonds documentaire spécialisé au service de la recherche ouvert à tous les publics. Elle a mis en place plusieurs outils collaboratifs qui lui permettent d'enrichir ses collections et d'accompagner les chercheurs et chercheuses. Par exemple, une veille documentaire partagée, un bilan des productions du laboratoire avec Zotero, un baromètre de la science ouverte locale, une collection HAL pour l'équipe, pour les congrès du réseau international Ambiance ou encore des ateliers doctoraux sur les compétences informationnelles. Elle a rédigé de nombreuses synthèses sur les questions juridiques et éthiques qui se posent sur la gestion des données de la recherche. Sur le carnet éthique et droit, elle a publié en collaboration un des billets phares qu'elle a mis récemment à jour à propos des droits d'utilisation des photographies, des vidéos et des sons dans le cadre de la rédaction d'une thèse. Pour commencer, demandons à Françoise Acquier d'évoquer son contexte de travail et la façon dont elle accompagne les membres de son laboratoire sur les questions juridiques et éthiques. Tout d'abord, c'est le projet de conservation et de valorisation des enregistrements des ambiances sonores qui a ouvert la voie aux questionnements juridiques au sein de notre équipe. Et vous y avez largement contribué en nous conseillant sur ce projet. Ces archives, elles datent des années 80, fin des années 80, où les chercheurs et les chercheuses ont commencé à collecter des fragments sonores des ambiances des espaces habités. Donc, mon collègue Jules Macoisan a numérisé les bandes de son sous tout format que nous avons ensuite documentées ensemble. Et leur mise en ligne a donné lieu à des contrats avec chaque responsable de recherche, auquel nous avons demandé de choisir parmi les 6 licences Creative Commons. Et depuis 2013, ce fonds sonore est disponible à travers une carte sonore qui s'appelle Cartophonie. Ce site donc donne à entendre ces archives qui sont réutilisables et elle participe fortement à l'identité de l'équipe. Ces matériaux échappent en partie au règlement général sur la protection des données personnelles, puisque les voix sont quand même peu reconnaissables dans ces ambiances de notre environnement sonore quotidien. Je pense que c'est ce travail de conservation, de valorisation, a vraiment contribué à une acculturation collective à la thématique de l'ouverture des données. Ensuite, en 2019, au créneau à Nantes, qui est l'autre équipe de notre UMR Ambiance, Architecture, Urbanité, et au CRESSON à Grenoble, ce sont deux équipes qui sont situées dans deux écoles d'architecture, les deux centres de documentation ont organisé deux enquêtes autour de la gestion des données de recherche, puisque c'était quand même le grand thème qui s'imposait à nous à ce moment-là. Et les équipes ont exprimé une forte attente de clarification sur les problématiques juridiques et éthiques. Donc à Grenoble, on a essayé de répondre à cette attente en organisant une matinée de sensibilisation sur ce thème. D'ailleurs, vous y avez contribué, Véronique. Et cela a peut-être favorisé mon implication au sein de deux projets ANR sur l'axe gestion des données. Alors, en 2021, voilà, ces ANR ont un résultat positif. Enfin, ces projets obtiennent le financement de l'Agence nationale de la recherche. Et rapidement, au bout de 6 mois, la nécessité de produire leur plan de gestion de données respectif a demandé de mettre en lumière le cycle de vie des données qui allaient être produites et d'anticiper les questions juridiques. Alors, l'un des projets financés par cette agence est porté par Théa Manola, qui est actuellement directrice de notre équipe. Il se nomme Prosecco. Alors, Prosecco, c'est l'acronyme de Production sensible de l'espace public contemporain. Ce projet, il a comme objectif d'apporter des éléments de compréhension sur la place du sensible dans les processus de production de l'espace, ayant des objectifs environnementaux. Depuis la formulation d'une volonté d'aménagement, c'est-à-dire la commande, jusqu'à l'expérience de ces espaces par les usagers et l'appropriation de ces espaces. Donc, ce projet, il est notamment construit en fait sur l'analyse de deux grandes enquêtes de terrain, l'une auprès des professionnels de la production urbaine et l'autre auprès des habitants et usagers des terrains retenus. Donc, grâce à des échanges avec la cellule data qui est l'atelier de la donnée de l'Université de Grenoble-Alpes et avec la déléguée à la protection des données personnelles du CNRS, nous avons pu mettre au clair les étapes pour obtenir une autorisation de traitement des données. Les enquêteurs et les enquêtrices ont pu présenter donc une note d'information adaptée et faire signer les formulaires d'autorisation de la voix et de l'image aux personnes enquêtées. Alors, cela leur semblait au départ assez délicat d'aller sur le terrain avec ces formulaires, mais finalement, en respectant ce qu'il fallait respecter, et là, Théa Manoa a vraiment joué le rôle de dire c'est comme ça, les enquêteurs et les enquêtrices ont été surpris d'obtenir assez facilement les accords d'enregistrement et de diffusion. Donc, une partie de ce corpus, celui qui a été enregistré auprès des professionnels de l'espace, ce corpus quand même remarquable, eh ben, ce corpus-là, donc, sûrement va pouvoir rejoindre un entrepôt de données ouvertes. Donc, c'est un travail dans lequel on va s'investir. Alors, le deuxième projet ANR auquel je participe se nomme Sensibilia. Des approches sensibles pour penser les transformations des milieux de vie. Il propose de mettre à l'épreuve de l'anthropocène les divers paradigmes sensibles qui questionnent les expériences et les transformations contemporaines des environnements habités. Par approche sensible, on entend par exemple les approches en termes d'ambiance, de paysage, d'esthétique environnementale, de milieu, d'atmosphère, d'écosomatique, de poétique urbaine. Donc, pour éclairer tout cet appareillage théorique, donc plusieurs séminaires de recherche ont été organisés. Il y a aussi des chantiers qui sont comme des terrains et aussi un axe de travail porte sur un état de l'art. Donc l'ensemble de ces axes ont produit des matériaux variés, ce qui est une spécificité des recherches en SHS. Donc on a des enregistrements sonores, des séminaires ou de l'environnement, des photos, des films, des fiches concepts, des bibliographies. Alors, les séminaires sont déroulés en 2022-2023 et autour des séminaires, nous avons travaillé à la création de podcasts avec mes collègues Jules Malcoisan, Cédric Pichat et Louise Anne-Charles, qui étaient à ce moment-là étudiantes en Master 2 à l'ENSIB et qui étaient apprenties chez nous. Donc, ces podcasts ont été donc d'abord fabriqués, puis mis en ligne sur la chaîne Canalu du laboratoire que nous avons créé à cette occasion, avec une licence Creative Commons assez ouverte, CC BY NCSA, c'est-à-dire attribution, pas d'utilisation commerciale et partage dans les mêmes conditions. Les photos, vidéos et fiches concepts vont très professionnellement être mises en ligne sur l'entrepôt de données de l'infrastructure Humanum, Nacala. Donc, pour tous ces matériaux, nous prêtons attention aux licences et à l'autorat. Donc, chaque participant à la production de ces contenus, chercheurs, ingénieurs, sont nommés avec leurs fonctions. Moi, je trouve que justement ce travail de publication des données sur des sites institutionnels et des entrepôts de données permettent de valoriser les compétences des personnes soutiens à la recherche. Et c'est une façon de contribuer à une recherche plus éthique. Donc, tout récemment, là, nous venons d'obtenir un soutien de l'Université Grenoble-Alpes, Gates, qui est un programme spécifique au SHS de soutien informatique qui va nous permettre de développer un code, enfin, de produire en tout cas un état de l'art sous la forme d'une carte interactive et dont les données et le code seront ouverts, puisque c'est vraiment dans ce sens-là que l'université travaille. Et est-ce que je peux demander si qu'est-ce que vous pensez de la réaction des chercheurs? Est-ce qu'après ces deux ANR, vous avez l'impression que dans le laboratoire, quelque chose a changé dans leur façon de traiter leurs données ou d'y penser en tout cas? Alors, je pense qu'il oui, il y a une partie des chercheurs qui sont qui petit à petit, en faisant finalement, en prenant des exemples de l'un de l'autre, se rendant compte que dans un article, ben ça va être pratique d'avoir la photo ou la carte sur Nacala parce que pour la citabilité c'est plus pratique. Donc développe comme ça une conscience de la facilité que ça procure de partager ces données. Et une autre partie qui reste peut-être encore en dehors ou en tout cas qui a envie de questionner justement ce mouvement de l'ouverture des données pour les SHS. Parce que ils sentent bien que c'est quand même des paradigmes qui ont été d'abord ouverts pour des disciplines de l'expérimentation, plus des sciences dures. Et du coup, ils se disent, bon, ben, quand on le transpose chez nous, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait? Et donc, je pense qu'il y a encore, enfin, c'est-à-dire qu'il y a besoin aussi de réfléchir à ces processus. Qu'est-ce qu'on fait? À quel état de la donnée on veut la partager? Puisqu'il l'éditorialise aussi beaucoup. Donc, moi, je pense que les choses sont encore en construction, quoi. C'est intéressant en tout cas ce que vous dites sur la citation, parce qu'on voit bien que c'est un argument qui peut être fort pour proposer des projets autour de ces questions. Oui, tout à fait. Et comment procédez-vous avec les doctorants pour qu'ils prennent justement en compte ces questions au cours de l'écriture de leur thèse? Donc, on essaie aussi évidemment de travailler avec les doctorants, d'abord parce que c'est une des grandes joies aussi de ce métier que de travailler avec eux, aussi avec les directeurs de thèse qui sont quand même au quotidien dans l'écriture avec eux. Donc, depuis 2022, je dirais que l'appui aux doctorants s'est structuré à l'école d'architecture entre les personnels soutien des trois laboratoires de recherche qu'il y a dans cette école, c'est-à-dire les métiers d'histoire qui s'appellent MHA, le laboratoire AECC et puis nous au Cresson, en partenariat en fait avec la bibliothèque de l'ENSAG. Et on propose maintenant un programme annuel d'ateliers adapté au contexte de la recherche en architecture qui s'appelle Formadoc. Alors, on révolutionne pas les choses, hein, mais on essaie de chaque fois de se dire ben, qu'est-ce qu'on peut apporter un peu à nos doctorants qui sont sur les disciplines de l'espace. Alors, cela permet ben, de nous partager nos compétences, de participer aux relations interlaboratoires entre doctorants. Et pour nous épauler, nous sollicitons parfois des collègues de l'Université Grenoble-Alpes, émanant de l'atelier de la donnée ou de la bibliothèque universitaire qui s'appelle BAPSO. Donc, ces ateliers sont ouverts en présentiel et en visio pour accueillir le plus possible parce que nos doctorants sont parfois loin. Donc, les questions juridiques et éthiques, elles sont transversales à ces différents ateliers. Donc, voilà, en les repassant, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que chacun apporte à ce questionnement juridique et éthique? Donc, pour un atelier qui s'appelle Publier pour la première fois, qui est organisé par une ingénieure de recherche, Camille Le Sueff, et une chercheuse, Sophie Paviol. Donc, elles abordent, voilà, évidemment, beaucoup de choses, mais pour les questions éthiques et juridiques, elles abordent ben, les bonnes pratiques de citation des sources, par exemple, comment citer des verbatims avec un code d'identification de l'entretien s'il a été pseudonymisé. Si je mets beaucoup d'illustrations, ben, comment je les légende, titre, auteur, date, droit, lien, source. Si je redessine, parce qu'en architecture, c'est des pratiques très développées, je dois faire attention à la fidélité qui, évidemment, voilà, si un dessin est très fidèle d'un bâtiment qui est une œuvre architecturale, ça ne m'empêche pas de demander une autorisation. Pour l'atelier qu'on mène là, qui s'appelle autour de l'identité numérique et au dépôt dans les archives ouvertes, bon, nous essayons de mettre en garde hein, sur les réseaux sociaux académiques. C'est quand même une directive du CNRS de dire, bon, voilà, si vous déposez dans les réseaux sociaux académiques privés, ben, il peut y avoir une appropriation des contenus à des fins commerciales et le non-respect des éditeurs. Donc, nous travaillons évidemment à la création d'idéal et aussi à l'enrichissement de profils Orchid Et franchement, l'enrichissement des profils orchides, ça peut être compliqué. Donc voilà, on essaie de clarifier au maximum avec eux. Et enfin, sur l'atelier gestion de données, là, qui est évidemment plus central sur cette thématique, nous essayons, et ma collègue Audrey Carbonel, justement, de questionner les pratiques communes mises en place au sein des projets ANR auxquels on contribue, que ce soit le nommage des fichiers ou le respect des droits des enquêtés, et de les questionner et de les transférer à la situation de la thèse. Puisque voilà, pour un doctorant, ce n'est pas obligatoire de faire un plan de gestion de données, mais par contre, ben, voilà, de prêter une attention à ces données, évidemment, c'est bien aidant, et aujourd'hui, c'est le sujet. Donc, au Cresson, nous avons établi des formulaires types, notes d'information et formulaires d'autorisation, et nous aidons les doctorants dans leurs échanges avec la déléguée à la protection des données personnelles du CNRS. Parce que ben voilà, c'est pas toujours facile de comprendre les questions qu'on te pose, le travail que tu dois faire en retour. Et pour les matériaux que le doctorant pourra envisager de rendre public, nous les accompagnons dans l'enrichissement des métadonnées et l'usage des licences. Donc concrètement, après la soutenance, le doctorant ou la doctorante, s'ils ont suivi vos conseils, en général, est-ce que vous avez beaucoup de manuscrits diffusés en libre accès? Enfin, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets, en tout cas, de la suite de vos ateliers? Alors, donc vous savez que voilà, la validation des thèses, c'est vraiment un processus qui n'est pas géré dans les laboratoires. Hein, c'est géré par les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche habilités à délivrer le doctorat avec l'outil STAR. Mais on a des outils pour mesurer notre taux de texte intégral des thèses. Et donc, voilà, avec le baromètre de la science ouverte au sein de l'UMR, on a pu constater voilà, que dans le temps, on a quand même pas mal d'années où on a 100% de thèses en libre accès. Alors, en regardant au plus près le manuscrit qui est vraiment en ligne, par rapport à votre demande, Véronique. Bon, je me suis rendu compte que, par exemple, sur une thèse où il y avait des annexes, où il y avait les matériaux de terrain, il n'y avait pas le tome d'annexes. Donc, je vais creuser, je vais chercher pourquoi. Et questionnement, par exemple, bon, ils ont aussi la peur de l'autoplagiat, puisque s'ils veulent ensuite publier, les éditeurs parfois leur disent, ah oui, mais vous avez déjà mis en ligne votre thèse, donc si vous publiez, donc ils ont ces inquiétudes parfois qui sont compliquées À lever. à lever, et c'est important que vos ateliers doivent apporter beaucoup de les rassurer, en tout cas, leur faire comprendre tout l'écosystème de ce fonctionnement, depuis l'orchide jusqu'à la mise en ligne de la thèse, qui est finalement assez complexe pour eux, oui. Oui, il y a tout à fait. Et je pense qu'il y a voilà, beaucoup moins de réticence pour mettre en ligne son manuscrit de 13 parce qu'ils comprennent toute la valorisation que ça représente pour eux. Donc, ce dont je peux vous parler là pour répondre à votre question, c'est peut-être le travail qui est fait en amont par les doctorants eux-mêmes, Oui. avec ou par eux-mêmes, qui font de plus en plus d'efforts là pour citer les sources, protéger les enquêtés, tout en restituant la richesse de leurs enquêtes de terrain. Donc, je voulais vous parler de quelques situations là que j'avais pu observer. Donc, déjà, il y a une partie des thèses où la collecte et l'analyse des ambiances sonores, voilà, est importante. Donc, ces thèses-là, elles contribuent à l'enrichissement de la carte sonore cartophonie, puisque chaque enregistrement d'ambiance est géolocalisé, décrit, partagé avec une licence de réusage. Donc, au début de ce projet qui s'appelle Cresound, en fait, la licence qui était la plus utilisée, c'était une licence qui finalement est une licence de diffusion, puisqu'elle s'appelle by NCND, donc qui dit, bon, ben voilà, pas de commerce, pas de modification. Donc, c'est pas vraiment une licence totalement libre. Et au fil des années, avec mon collègue Jules Macoisan, en argumentant justement en faveur de licences plus ouvertes, on se rend compte qu'effectivement, elles sont de plus en plus ouvertes quand ils mettent en ligne leurs données. Et c'est d'autant plus important pour nous que justement, il y a quand même des usages artistiques de ces archives d'environnement sonore et que du coup, maintenant, ben, cela est permis. Donc, c'est le cas, par exemple, pour la thèse de Théo Marchal, là, qui avait mis en ligne ses enregistrements sonores sur Cartophonie. Donc, toutes les thèses diffusent de nombreuses illustrations, et surtout en architecture, et le droit des images est une préoccupation quand même qui est bien complexe et de longue date. Donc, bon, il y a quelques années, on avait fait un billet sur le carnet éthique et droit, et là, cette année, avec des collègues de l'Université de Lorraine, Florence Boucher-Monneret et Aricia Bassinet, Voilà, on a retravaillé sur le support autour du droit d'utilisation des photos, vidéos et dessins dans le cadre de la recherche et notamment des thèses. Donc voilà, on espère le publier bientôt dans le carnet éthique et droit, cette mise à jour. Donc à ce jour, voilà, si on fait un point un peu précis pour les doctorants ou pour les chercheurs, pour pouvoir mettre en ligne son manuscrit de thèse, l'exception pédagogique joue et donc le doctorant peut insérer 20 images dont les droits sont réservés avec une résolution de 800 par 800 pixels. Donc c'est pas super qualité d'image, mais il peut utiliser 20 images sans demander d'autorisation. Bon, à partir de la 21e, c'est toujours des chiffres qui paraissent un peu absurdes, mais voilà, il est nécessaire de demander l'autorisation à l'auteur ou au titulaire des droits. Et ces demandes, on sait qu'elles prennent énormément de temps et que c'est fastidieux, qu'en vrai, il faut le faire au fil de la thèse, mais on peut dire quand même comme argument qu'elles peuvent déboucher sur des opportunités de travail parce que des ayants droit qu'on contacte peuvent être intéressés par la recherche menée. Et donc, nous, on a un exemple autour d'un environnement, un enregistrement sonore, mais ça peut marcher peut-être pour les illustrations, où le fait d'avoir dialogué avec des ayants droit, eh ben, voilà, ce doctorant est parti au Danemark exposer son travail. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un exemple qui peut faire envie. En tout cas, bon, les étudiants, quand ils sont confrontés à cette situation de demande d'autorisation, ils comprennent bien l'intérêt de eux-mêmes partager leur publication avec des licences de réusage et de légender, justement, pour faciliter la citabilité. Donc, cette année, j'ai travaillé avec une doctorante à distance, tout par mail, parce qu'elle travaillait sur Paris, dans une entreprise. Et donc, elle a pris beaucoup de soins. Donc, voilà, Charlotte Lafont, dont la thèse sera bientôt en ligne, a pris beaucoup de soins à préciser chaque légende, à créer une table d'illustration. Et ça, j'ai trouvé ça super, voilà, habile de se dire que dans la table d'illustration, elle allait détailler les sources précises pour qu'en fait, sous les légendes des images, elle mette des éléments de légende et de droit, mais pas la source qui, chaque fois, vraiment, c'est vraiment assez long, quoi. Donc, en dissociant les deux, elle a permis de faire quelque chose, un travail très soigné sur ces illustrations sans alourdir trop son manuscrit. Voilà, donc même si on voit qu'il y a des efforts dans ce sens-là, bon, évidemment, je ne vais pas vous dire que toutes les thèses du Cresson, elles sont parfaites, que toutes les illustrations sont hyper légendées. Et c'est vrai que, vous le disiez tout à l'heure, Véronique, leur carrière est devant eux et c'est souvent un débat à avoir en fonction du financement de la thèse, mais aussi des projets de publication à venir. Donc, la sensibilisation, avec mes collègues, on le dit, c'est aller apporter auprès des doctorants, mais aussi auprès des directeurs de thèse qui sont là dans l'accompagnement à l'écriture au quotidien. Le dernier point dont je voulais parler, les thèses, voilà, qui sont soutenues dans notre équipe, mais beaucoup évidemment dans des laboratoires SHS, sont fondées sur des enquêtes de terrain. Et là, les dernières thèses qui sont sur mon bureau que je dois traiter, j'ai découvert des tomes d'annexes remarquables avec des restitutions de l'enquête de terrain sous la forme de romans photos, associant photos et verbatim. Et les autorisations obtenues, je pense, favorisent quoi ce travail d'éditorialisation des données, et notamment celle de Rima Adibdi là qui va être soutenue, fournit 3 tomes d'annexes, un par terrain, c'est assez impressionnant. Et ensuite, pour des contextes de terrain qui peuvent paraître des fois hyper délicats, donc il y a 2 autres thèses là qui sont aussi à soutenir. Donc il y en a une qui est fondée sur une enquête auprès d'enfants en France et Tunisie, et une autre auprès de communautés religieuses au Liban sur la thématique des luttes d'ambiance dans un quartier particulier. Bon voilà, c'est des thèses quand même qui se déroulent dans des terrains où on se dit mais est-ce qu'on peut vraiment faire une enquête et la restituer? Et bien là, le dialogue avec la déléguée à la protection des données personnelles a été ben voilà, totalement facilitant et de très bons conseils. Les doctorants ont pu faire signer des formulaires d'autorisation traduits en arabe, par exemple, sécuriser leurs données dans les transferts, exploiter leurs données dans leur rédaction. Donc il y a un doctorant là qui a hybridé en fait des photos sur lesquelles il a mis des croquis pour vraiment montrer l'énergie de l'enquêté sur la photo, mais sans voilà montrer le visage de la personne qui l'enquêtait et qui faisait des parcours avec lui. Donc, je pense que il faut être positif et se dire qu'il y a toujours des solutions pour avoir voilà une thèse avec des solutions juridiques en fonction de ces problèmes. Merci beaucoup Françoise Acquier d'avoir accepté cet entretien et sa diffusion. Merci de nous avoir partagé votre expérience d'accompagnement des doctorants et des doctorantes qui se posent des questions